nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi dont le mari a fui la maison, ça fait plus de 2 mois. Et tu te fais des soucis, laisse-moi te dire, c'est dans la prière que tu vas avoir la victoire. Oui, ton mari, il y a les forces des ténèbres au niveau de sa famille qui n'ont pas voulu ce mariage-là. Mais sache que si ce mariage est dans la volonté de Dieu, tu vas triompher. Ne faut plus pleurer, tu vas prier, tu vas fléchir les genoux dans le jeûne et dans la prière. Et par la prière, tu vas libérer ton mari et il reviendra. Et vous allez vivre encore le bonheur, cesse de pleurer. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Nous sommes dans OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, dans le cadre de notre émission OSB, c'est Éphésiens 6, 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. » Nous allons partager 2 grandes vérités. Ce passage nous montre nos devoirs. Il y a les devoirs des enfants ainsi que les devoirs de père ou de parents. Commençons d'abord par la première vérité, les devoirs des enfants. Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Ils doivent obéir à leurs parents, selon le Seigneur. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as des problèmes dans ta vie depuis que tu as connu des problèmes avec ton père. Tu as tenu un mauvais langage à ton père, à ton géniteur. Ce n'est pas bon. Quand ton géniteur parle contre toi, cela risque de t'affecter. Tu feras bien de te repentir, d'aller demander pardon à ton père, de prendre un cadeau pour aller le voir. Est-ce que tu comprends? Je parle à toi, mon ami. Il est dit ici, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Vous voyez, pourquoi on ajoute « selon le Seigneur » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si votre père vous donne des conseils, qui sont des conseils qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Je veux parler à une jeune fille, écoute-moi bien. Tu es en train de sortir avec un garçon. Ton père et ta mère t'ont dit « ce que tu fais n'est pas bon ». Dernièrement, vous êtes sorti, tu es rentré au-delà de minuit. Cela n'est pas bon, c'est déjà un mauvais signe. Toi, tu es chrétienne et quand on t'a fait des reproches, tu t'es révoltée, tu as dit que non, tu vas quitter la maison, tu vas rester chez des amis. Ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Tu risques de compromettre ton avenir. Vous voyez, quand ton père, ta mère te parle, il faut obéir. Mais on dit selon le Seigneur. C'est-à-dire, c'est si le parent te demande de faire des choses contraires à la Bible, c'est là où tu peux refuser, tu vois. C'est pourquoi on dit obéir selon le Seigneur, pas selon le monde. Si par exemple ton père te dit, nous avons décidé que tu ailles consulter un féticheur parce que tu as longtemps échoué. Si ton père te dit, ah mon fils, il faudrait que nous puissions corrompre pour que tu aies ton visa, mais alors que ta conscience te dit que ça, ce n'est pas bon, c'est ça l'exception. Vous voyez, c'est seulement ça, exceptionnellement, de manière exceptionnelle, que tu peux dire, ah, ça, vraiment, papa, je ne peux pas faire parce que je suis chrétien, tu vois. C'est pourquoi on dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si, par exemple, ton père, il t'oblige d'épouser quelqu'un qui est un païen, parce qu'il a beaucoup d'argent, ou bien quelqu'un qui ne confesse pas la même foi en Christ comme toi, voilà, ça, ce n'est pas selon le Seigneur. Là aussi, tu vas parler, non pas avec arrogance, tu vas parler avec humilité. Tu vas dire, papa, vraiment, je veux bien t'obéir. Mais papa, ce que tu me demandes, ça compromet ma foi, tu vois. Donc, mais en dehors de ça, quand les parents te donnent des conseils sur la manière de te conduire, la manière d'étudier, regarde, je parle à un jeune. Tu as connu des mauvaises notes à l'école. Depuis que tu fréquentes des mauvais amis, tu fréquentes des amis qui n'ont pas d'avenir, qui ne se soucient pas des études. Tes parents te mettent sur le droit chemin. Ils te disent, mon fils, il faut étudier. Ma fille, il faut étudier. Toi, tu étais toujours parmi les majors. Mais depuis que tu commences à fréquenter ces mauvais amis, regarde, tes notes commencent à baisser. Alors, ça, c'est un bon conseil. Il ne faut pas que tu te révoltes à cause de ça. Il faut que tu obéisses à tes parents. On dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais on donne des raisons. Pourquoi devons-nous obéir aux parents? Il y a trois raisons ici qui sont citées. Première raison, cela est juste. Vous voyez, cela est juste. C'est tout à fait juste que celui-là qui t'a porté dans le sein, pendant 9 mois, qui a souffert, lorsqu'elle te parle, c'est juste que tu puisses lui obéir. C'est juste que celui-là qui se dépense pour tes études, même si aujourd'hui tu commences à être quelqu'un, mais celui-là qui s'est débattu, c'est tout à fait juste, ne fût-ce que par reconnaissance. Tu devrais écouter ce qu'il te dit. Deuxième raison pour laquelle tu devrais obéir à tes parents, on dit, c'est un commandement de Dieu. Verset 2 dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. On dit, c'est un commandement de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, quand Dieu donnait les décalogues ou les 10 commandements à Moïse, il a mentionné expressément cela, honore ton père et ta mère. C'est un commandement de Dieu. Donc, un chrétien qui n'obéit pas à ses parents, donc il désobéit à Dieu parce que c'est un commandement que Dieu lui-même a donné. Troisième raison pour laquelle tu devrais obéir à tes parents, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez, c'est un secret. Souvent, il y a des gens qui voient les sorciers. Oui, vraiment, je viens de connaître un accident. C'est pas à cause de la sorcellerie. Mais écoutez bien, il faut comprendre les principes bibliques. La Bible dit, si tu obéis à tes parents, vous voyez, tu seras heureux, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a des gens sur qui la malédiction pèse. Je vais parler à quelqu'un, regarde, tout ce que tu fais ne marche pas. Est-ce que tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que n'as-tu pas désobéi à tes parents? Tu t'es révolté. Je vais parler à un jeune, ça fait longtemps que tu vis. Tu as décidé à un moment donné de ta vie de quitter le toit paternel, d'aller vivre avec des amis. Et depuis ce temps-là, tes parents t'ont averti, tes parents ont murmuré contre toi, tes parents ont été mécontents, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Est-ce que tu vois? Et depuis ce temps-là, tout ce que tu fais ne marche pas. Donc, il faut que tu te rappelles d'où vient le problème, d'où vient ta malédiction, cette malédiction qui pèse sur toi, qui fait que tout ce que tu fais échoue. C'est parce que tu as désobéi à tes parents. Donc, il faut revenir, il faut faire comme le fils prodigue qui est entré en lui-même. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai ce que je fais. Deuxième vérité, il s'agit maintenant des devoirs de père. Et nous pouvons étendre ça aux mères, des parents de manière générale. Quel est le devoir de père ou de parents? Il y a quelque chose que nous ne devons pas faire. Oui, n'irritez pas vos enfants. C'est la première chose. Irriter les enfants. Il y a des parents qui parlent mal. Tu ne dois pas mal parler à ton fils, à ta fille, pour l'irriter tout le temps. C'est vrai que tu es son géniteur, mais il faut le respecter. Hein? Les enfants, lorsque tu veux lui parler, il faut lui parler avec respect. Il ne faut pas les irriter en tout temps. Oui, mais tu peux aussi irriter les enfants quand tu les prives de leurs droits. Je parle à un parent, regarde bien. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un bon salaire. Tu fais des missions importantes. Mais tes enfants, tu les prives même d'autres choses. Lorsqu'ils te demandent de les acheter, ne fût-ce qu'un téléphone portable, lorsqu'ils te demandent de renouveler, ne fût-ce que les cahiers, de leur donner le minimum pour étudier, de donner même les transports qu'il faut. Regarde, ton fils étudie très loin. En principe, il fallait qu'il ait au minimum 1 000 francs. Et l'argent que tu donnes là, il faut compter aussi, il doit avoir quelque chose pour manger, ne fût-ce que 500 francs. Mais lorsque tu lui donnes seulement 500 francs, tu dis tu vas te débrouiller. Et surtout si c'est une fille, comment il va se débrouiller? Tu es en train de pousser ton enfant à la débauche. Tu vois, ça peut l'irriter, ça peut le révolter pour dire mais il me demande de travailler. Il me demande de travailler à l'école alors qu'il ne me donne même pas les transports. Ça peut irriter tes enfants. N'irritez pas vos enfants. Mais deuxième devoir, on dit instruisez-les, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous avez le devoir d'élever les enfants. Élever les enfants suppose prendre soin d'eux. Il faut que les enfants sentent qu'ils ont un parent, quelqu'un qui les sécurise, quelqu'un qui assure l'avenir, quelqu'un qui donne le minimum, mais quelqu'un aussi qui peut montrer le chemin à suivre. Tu ne peux pas dire à ton enfant « débrouille-toi ». Non. À un certain moment, l'enfant ne peut pas se débrouiller. Il faut l'instruire et il faut aussi le corriger. Il y a l'aspect correction. Cela veut dire quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut lui dire « ça, ce n'est pas bon. Voici le droit chemin, c'est ça ». Mais la meilleure façon d'élever l'enfant, c'est d'être soi-même modèle. Si l'enfant voit que toi-même tu es ivrogne, toi-même tu cours derrière les petites filles, comment veux-tu que l'enfant puisse faire ce que toi-même tu ne fais pas? Il faut que tu sois modèle. Je parle à un parent, ça fait un bout de temps. Toi-même, tu ne vas même plus à l'église. Tu dis, bon, tu es athée ou bien toi, tu pries Dieu seulement dans ta chambre. Et pourtant, tu vas dire aux enfants, il faut aller à la messe, il faut aller à l'église. Mais comment se fait-il que les enfants vont suivre l'exemple alors que toi-même, tu ne fais même pas cela, tu vois? Parce que les enfants, la meilleure façon de les élever, c'est par le modèle. Sois modèle. Il ne faut pas seulement dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Instruisez-les en les élevant et en les corrigeant, mais selon le Seigneur, c'est-à-dire selon les instructions divines. Un parent qui connaît Dieu, il va se référer à la parole de Dieu, il va se référer à la Bible, oui, pour instruire ton fils. Il ne faut pas menacer le fils. Il ne faut pas frapper les fils ou n'importe quoi. Ce n'est pas la solution toujours de les frapper ou chercher même à les blesser. Je vais parler à un père. Regarde comment tu es brutal avec ton enfant. Tu as failli même le crever l'œil. Non, il faut être modéré, même quand on corrige l'enfant. Ce n'est pas avec colère. Il faut les instruire selon le Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que ce matin, ces paroles nous aident à marcher conformément aux instructions divines. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons le glorifier, le louer en chantant ces cantiques. Merci Seigneur notre Dieu. Merci le roi des rois. Merci au Dieu vivant, tout puissant. Élevons ensemble nos voix. Bénissons l'Éternel pour les parents, pour les enfants qui nous a donnés, pour les familles qui nous a donnés. Il est bon, il est merveilleux. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le roi qui règne éternellement. Sois béni, toi le Dieu plein d'amour qui ne nous renvoie pas à vide. Tu es celui qui intervient toujours quand nous crions à toi. Sois magnifié, notre Seigneur, toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous bénissons ton nom. Ô notre Père, notre Seigneur, toi le Père d'amour, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu incomparable. Merci Seigneur pour ta présence qui nous transforme. Nous bénissons ton nom. Oh, pour ta présence qui agit dans nos vies. Merci, Seigneur, d'intervenir encore maintenant dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris. Agis, ô Père, étends ta main puissante. Toi, le Seigneur des Seigneurs, et que ta main puissante renverse tout dessein de l'ennemi contre nos vies, et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Oh, nous t'élevons en ce moment, notre Père, notre Seigneur, t'élevons en Maître et en Seigneur dans nos vies. Merci de pouvoir encore nous donner la foi nécessaire afin que par la foi nous puissions saisir toutes les grâces que tu as prévues pour nous. Béni sois-tu, oh notre Seigneur, notre Dieu, toi qui agis au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque jour à partir de 5h temps universel. Si cette émission vous a fait du bien, nous vous demandons de partager avec quelqu'un d'autre. Parce que partout dans le monde, les gens peuvent nous suivre à travers notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends. www.radiofréquencevie.com. Notre passage du jour, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Ce passage nous parle des devoirs des enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Cela est juste. C'est un commandement de Dieu, mais cela est nécessaire pour qu'ils soient heureux et qu'ils vivent longtemps. Nous allons prier pour des enfants. Il y a des enfants qui sont des enfants révoltés. Il y a des enfants qui ont quitté les toits de la maison. Il y a des enfants qui sont devenus même des enfants de la rue. Il y a des jeunes filles qui ont quitté les toits paternels. Ils ont refusé le conseil des parents. Et ils se sont mariés hors de leurs parents. Un mariage qui n'a pas été approuvé. Et ils ont des problèmes. Peut-être que toi, tu m'entends, tu es concerné. Nous allons prier pour que tous ces enfants qui vivent dans la désobéissance, le Seigneur touche leur cœur, qu'ils reviennent dans leur bon sens pour se repentir, pour faire la paix avec leurs parents. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Toi qui veilles sur nous chaque jour. Toi qui nous relèves lorsque nous sommes dans l'abattement. Ce matin, c'est avec joie que nous te disons merci. Merci pour cette alliance éternelle que nous avons avec toi. Nous prions ce matin aussi pour tous nos enfants, ô Père éternel. La Bible nous dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. C'est toi qui nous donnes les enfants, Père éternel. Et c'est pourquoi nous prions pour une bonne harmonie de nos relations avec eux. Nous prions contre toute forme de manipulation satanique. Nous prions contre toute forme de rejet, de rébellion, de colère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons au Père éternel que tu guides nos enfants, que tu sécurises nos enfants, afin qu'ils puissent grandir dans tes voies, afin qu'ils puissent être à l'abri de toute forme de manipulateur. Père éternel, sécurise nos enfants, ô Père. Nous ne pouvons que mettre notre foi et notre confiance en toi, afin qu'ils ne se détournent pas de tes voies. Nous faisons chaque jour un effort de les instruire selon tes voies, ô Père éternel. Nous disons merci parce que nous avons l'assurance que tu es un Dieu qui ne déçoit pas. Sécurise nos enfants protège nos enfants, instruis nos enfants au Père éternel, guide nos enfants, préserve-les contre toute forme de détournement, contre toute forme de manipulation. C'est avec joie que nous disons au Père éternel, merci pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour les parents. Nous venons de voir que les pères ont le devoir. D'abord, ils ne doivent pas irriter leurs enfants. Il y a des parents qui sont très brutaux dans la manière de corriger leurs enfants. Ils sont brutaux. Oh, il y a ceux même qui ne donnent pas le nécessaire à leurs enfants. Nous allons prier pour les parents, afin que Dieu leur donne la capacité d'élever les enfants, de ne pas irriter leurs enfants, de leur donner le minimum dont ils ont besoin pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous te bénissons ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui a responsabilisé les parents en tant que chef de famille, en tant que serviteur, en tant que sacrificateur et à toute la famille. Tu as fait des dons merveilleux, des récompenses et des cadeaux qui sont les enfants. Et c'est le devoir des parents de s'occuper, de veiller, d'entretenir, de soigner, d'instruire, de protéger et surtout de ne pas irriter leurs enfants, Seigneur, pour ne pas que ceux-là se rebellent. Cela est un comportement indécent dans la famille. Nous prions que la sagesse, l'intelligence, le discernement, tout ce qui est nécessaire soit accordé aux parents pour encadrer leurs enfants et subvenir à leurs besoins pour que la douceur, pour que la sagesse, pour que l'intelligence soit accordée, que la paix, que l'entente, que la communion soit dans ces familles. Parce que tu as dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, des parents, d'être ensemble, et c'est là que tu envoies la bénédiction. Que ta bénédiction demeure sur les familles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour le parent, afin que eux-mêmes soient modèles, que nous-mêmes nous soyons modèles. Parce que lorsque nous voulons instruire nos enfants, les corriger sans le Seigneur, il faut que nous-mêmes nous soyons modèles. Oh, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce, afin que les enfants voient les modèles en nous. Prions pour les parents qui ne sont pas modèles, pour les parents qui eux-mêmes sont encore ivrognes, pour les parents qui eux-mêmes sont idolâtres, pour les parents qui eux-mêmes ils vivent dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère. Que la grâce de Dieu se manifeste, afin qu'ils viennent au Seigneur, afin qu'ils se repentent, parce que c'est le modèle qui peut aider les enfants à suivre, à être élevés selon le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. La force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire. Toi qui, par ta grâce, as fait de nous des parents. Et ta parole dit dans Proverbe 4, verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse ? Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Père, quel que soit le bien matériel que nous avons, quelle que soit la connaissance intellectuelle que nous avons, quel que soit le degré de foi que nous avons, quelle que soit la possession des biens que nous avons, nous, en tant que Père, nous avons besoin effectivement d'être des modèles. Car avec toutes ces choses, nous ne savons pas instruire nos enfants. Nous ne sommes pas des modèles. Nous n'avons pas de bons témoignages. Et nous nous bagarrons souvent à la maison. Nous nous déchirons. Nous insultons. Nous faisons de fausses promesses aux enfants et à des tierces personnes. On vient nous accuser pour des choses que nous avons prises, que nous ne payons pas à temps. Seigneur, aide-nous. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Car les enfants nous regardent et ces enfants veulent nous ressembler. C'est pour cela que je prie que tu nous aides encore une fois de plus. Que tu nous donnes comme le passage le dit, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Car le commencement de la sagesse, Seigneur, c'est ce qu'il nous faut. C'est la crainte à l'Éternel. Béni sois-tu pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Nous espérons vous retrouver la fois prochaine. Nous rappelons que nous aurons notre rencontre Bonheur conjugal pour les célibataires le dimanche prochain. Au revoir.